Toyota. Eh, hey, t'as vu? On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Et oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris Hybride dynamique, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350€, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Des tempêtes à répétition qui s'abattent violemment et sans crier gare, créant crues et inondations, pendant qu'à l'autre bout de la planète, les températures grimpent durablement au-delà de 50 degrés pendant plusieurs jours. Et si ces événements climatiques extrêmes, dont la fréquence ne cesse d'augmenter, étaient imputables à un dérèglement du jet stream, ce courant atmosphérique autour de 10 km d'altitude, découvert assez tardivement, et qui régule les grandes masses d'air à l'échelle de notre planète. Comment étudier ce jet stream et comment être sûr qu'il est bel et bien ou non à l'origine de ces dérèglements? Jetstream, la pluie et le beau temps, c'est le programme atmosphérique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à cet immense courant aérien planétaire et à ce qu'il fait ou non à notre climat et à notre météo, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gwendal Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'École normale supérieure et nous sommes en ligne avec Michael Gill. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'École normale supérieure et également professeur de recherche à l'Université de Californie à Los Angeles. Mais on commence cette émission par celle qui fait la pluie et le beau temps sur l'actualité scientifique chaque jour. C'est Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et pour commencer, une équipe britannique vient de publier les premiers résultats du séquençage du génome de la variole du singe. C'est un travail mené par une équipe d'Édimbourg qui est très réputée sur les analyses phylogénétiques des virus. Et il faut savoir que le génome de la variole du singe est très grand, c'est 200 000 bases. Donc c'est compliqué d'avoir des génomes complets, mais cette équipe l'a fait. En regardant un peu plus près les génomes des virus qui circulent actuellement en Europe et aux États-Unis, les chercheurs ont d'abord constaté qu'ils étaient très proches d'un virus qui avait été identifié lorsqu'il était sorti du Nigeria en 2017 et qui était arrivé au Royaume-Uni, en Israël et à Singapour. Son génome est très proche de ce virus, mais il y a quelques différences. On constate un taux de mutation assez fort. Alors, est-ce que ce sont des mutations qui se sont accumulées très rapidement, depuis quelques mois, ou plus étalées dans le temps, depuis 5 ans? On ne sait pas. En tout cas, c'est le signe d'une circulation virale passée sous le radar. Arnaud Fontanet dirige l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Il est coordinateur d'un projet sur la variole du singe en République centrafricaine. Face à un virus à ADN qui mute peu, on s'attend à une mutation tous les 100 000 nucléotides par an. Or là, on a des taux de mutation avec 47 mutations cumulées sur 5 ans qui sont à peu près 5 à 6 fois supérieurs à ce qui était attendu. Puis surtout, quand ils ont regardé la nature des mutations, elles portent toutes sur des séquences, des séries de 10 nucléotides, deux nucléotides qui se suivent, où l'un est altéré et c'est toujours les mêmes. Et ça signe l'action d'une enzyme qu'on appelle APOBEC, qui est une enzyme de défense antivirale qui peut être présente chez des mammifères et donc aussi chez les humains. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que depuis 5 ans, le virus, il est sous attaque. Alors en fait, quand on dit 5 ans, on ne sait pas si c'est très récent ou si c'est la période complète des 5 années. Mais l'enzyme APOBEC a agi, ciblé ces paires de nucléotides qu'elle sait reconnaître, avec une transformation qui est toujours la même et qui donc signe l'action de l'enzyme. Et ça veut dire que le virus se retrouve depuis quelques temps dans un nouvel hôte, très vraisemblablement. Ça peut être un rongeur, par exemple. On a de fortes présomptions pour dire que le réservoir animal pourrait être un écureuil ou un certain type de rongeur qu'on voit en Afrique. Mais là, il aurait visiblement changé d'hôte. Ça pourrait être donc un nouveau rongeur. Ça peut être chez l'homme et ça signe une transmission continue chez ce nouvel hôte. Et c'est ça qui nous intrigue parce que ça voudrait donc dire que le virus, depuis quelques années, il est sur un nouvel hôte, soit intermédiaire animal, soit chez l'homme, et que on aimerait comprendre lequel. Est-ce que c'est une transmission continue chez l'homme qui est passée sous le radar? Est-ce que c'est un nouveau rongeur peut-être au Nigeria, puisqu'on sait que le virus s'est déplacé par exemple du delta du Niger au sud du Nigeria vers Abuja, il est au plateau, la savane. Donc voilà, est-ce qu'il a rencontré un nouvel hôte et est-ce que ce qu'on voit ici, c'est finalement la signature de l'action de cette enzyme antivirale, de cette nouvelle hôte? Voilà, et nous consacrerons lundi une émission spéciale à cette nouvelle maladie, la variole du singe, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas ce nouveau départ sur l'Europe et le reste du globe. On en parlera notamment avec Arnaud Fontanet, et comme d'habitude, on vous a mis les études sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Et on passe au bref. La France rejoint le programme spatial Artemis de la NASA. Artemis, c'est le grand retour de l'humain sur la Lune. Un programme qui prévoit la construction d'une station spatiale en orbite, le Lunar Getaway, et d'une base lunaire habitée. Les premiers astronautes devraient à nouveau fouler le régolithe en 2025. Alors ce programme, c'est aussi un tremplin vers l'exploration plus lointaine, Mars ou des astéroïdes. Le CNES a donc signé avec la NASA les accords Artemis. La France s'engage un peu plus dans l'exploration spatiale, aux côtés de 19 pays. En revanche, ni la Chine ni la Russie ne sont signataires de ces accords. Les pays veulent construire ensemble leur station lunaire orbitale. Les accords Artemis prévoient notamment de créer des zones de sécurité pour éviter des interférences nuisibles par un tiers et pour protéger l'exploitation des ressources extraterrestres comme l'eau lunaire. Selon une étude publiée dans la revue Nature Climate Change, nous avons sous-estimé le niveau d'intensification des tempêtes hivernales. L'Institut Weizmann des sciences, le MIT et l'Université de Princeton se sont associés pour cette nouvelle modélisation et projection climatique. Les équipes ont utilisé 30 réseaux complexes d'ordinateurs pour réévaluer la force des trajectoires des tempêtes aux latitudes moyennes. Selon eux, en 20 ans, les tempêtes hivernales se sont intensifiées dans l'hémisphère sud et elles atteignent déjà des niveaux qui étaient prévus pour 2080. Alors en soi, une tempête hivernale, c'est anecdotique, cela ne dure que quelques jours, mais comme elles tiennent un rôle important pour le transfert de chaleur et d'humidité dans l'atmosphère, cette intensification devient préoccupante sur le long terme. Voilà, et on en reparle dans quelques instants avec nos invités. Et pour finir, des chercheurs en Antarctique ont découvert sous les glaces un très riche écosystème. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre de la vie là où on ne l'attendait pas, mais les chercheurs ont d'abord cru à un bug d'appareil photo. Alors, grâce à une sonde, des océanographes ont exploré une rivière d'eau douce à 500 mètres de profondeur et ils ont découvert un banc de créatures, un essaim d'arthropodes de 5 mm de diamètre qui ressemblait à des crevettes. Il s'agit en fait d'amphipodes, de petits crustacés. D'où vient leur nourriture, c'est un mystère, mais cet essaim suggère qu'il y a un riche écosystème en dessous. L'équipe veut prolonger son exploration des profondeurs de l'Antarctique. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Une étude toute récente publiée le 26 mai dernier dans la revue Nature révèle que les tempêtes hivernales se sont intensifiées dans l'hémisphère sud de la planète. Or, cette aggravation, selon le GIEC, n'aurait dû intervenir du fait d'une autre aggravation, celle des émissions de carbone, uniquement à l'horizon 2060. Autre étude de 2019, cette fois, qui indique pour sa part que des changements dans la circulation atmosphérique seraient à l'origine de l'émergence d'intenses vagues de chaleur simultanées. Dans les deux cas, les auteurs pointent du doigt une modification du jet stream, ce courant atmosphérique qui se situe à une dizaine de kilomètres d'altitude. Pour autant, il est encore difficile d'établir des liens de causalité forts, car ce courant atmosphérique central sur notre planète est encore difficilement étudiable et les variables et les paramètres si nombreux qu'aucun scientifique ne s'aventure aujourd'hui à affirmer que ces différents événements sont liés. Et pourtant, pas plus tard que le week-end dernier, les deux tiers de la France menacés par les orages, averses de grêle, pluies diluviennes, impossible de savoir à l'avance où elles vont tomber. Des phénomènes qui peuvent être très violents localement. Le vent se lève brusquement. Putain, c'est quoi ce temps? Oh la vache! Près de Mont-de-Marsan dans les Landes, un orage de grêle s'est abattu hier soir. Il recouvre ce jardin d'un tapis blanc. et percute violemment les voitures. À Paris, près de 40 000 festivaliers ont été évacués du bois de Vincennes où devait se tenir We Love Green. Les concerts ont été annulés. Une météo qui a perturbé le week-end de 30 000 scouts au château de Chambord. Les tentes ont été démontées en urgence. Le château a même un temps envisagé d'accueillir les plus petits pour la nuit. La foudre a aussi transpercé le ciel de Paris, offrant aux photographes un cliché spectaculaire. Mais à quelques kilomètres de là, elle s'est abattue sur cette maison. Là, il y a des pompiers sur le toit. 50 000 impacts de foudre, 40 départements touchés, 3 500 interventions de pompiers. Cet épisode orageux aura été inédit par son ampleur. Il a aussi fait plusieurs victimes. Une femme est morte à Rouen, emportée par une coulée de boue. Alors évidemment, face à ce type d'événement climatique intense, eh bien, nous avons spontanément envie de trouver le responsable ou de pointer un responsable. Or, aujourd'hui, Gwendal Rivière, eh bien, c'est bien difficile de savoir ce qui crée concrètement ce type de perturbation météorologique. Vous voulez parler des orages ou des tempêtes hivernales ? Alors, je vais parler, en l'occurrence, j'utilisais les orages comme actualité, mais prenons l'un ou l'autre comme vous le souhaitez. Les orages, l'augmentation des précipitations, c'est quelque chose qu'on anticipe depuis un certain temps avec le réchauffement climatique, puisque c'est pas lié tant à des changements de circulation, mais plus lié à des changements dit thermodynamique, où l'augmentation des températures fait une augmentation de la vapeur d'eau et donc de la condensation et plus de précipitations dans les événements. Quand vous avez une goutte froide ou un cyclone d'altitude comme on l'a eu la semaine dernière, et aussi lorsque vous avez des tempêtes hivernales, il est vrai que des précipitations plus importantes sont attendues dans le climat futur en raison du réchauffement climatique. Après, on en discutera peut-être plus tard, mais sur les vents, il y a plus d'incertitudes. Michael Gill, comment comprendre aujourd'hui, quand on étudie l'atmosphère et ses couches supérieures et ses grands courants atmosphériques, comment peut-on comprendre ce type d'événement et que cherche-t-on pour pouvoir précisément leur trouver une forme d'explication ? Eh bien, le système climatique est un peu compliqué, un peu plus compliqué que beaucoup d'autres systèmes naturels, physiques, biologiques, etc. Et en effet, il est très difficile de déterminer pour un événement à une échelle de quelques heures ou de quelques jours, dans quelle mesure on peut accuser, pour ainsi dire, le réchauffement global. Donc, le problème est qu'il y a une théorie de la causalité nécessaire et suffisante qui est attribuée à un collègue à moi à UCLA, Judea Pearl, qui a reçu la médaille Turing de la Association of Computing Machinery, c'est quelque chose comme le prix Nobel de l'informatique. Et avec quelques collègues, en particulier Alexis Sandard, Alberto Carassi et d'autres, on a essayé d'appliquer cette théorie justement à ce qui s'appelle la détection et attribution des événements extrêmes. On a publié dans des périodiques assez corrects, comme par exemple le Bulletin of the American Meteorological Society, qui est très respecté dans le domaine, mais disons que ça n'a pas fait l'unanimité. Ceci n'est pas pour dire qu'on ne sait pas suffisamment de choses sur l'attribution de plein d'événements climatiques aux actions de l'humanité pour ne pas voir l'urgence de mesures d'adaptation et de mitigation. Il faut simplement dire que c'est pas chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable qui se passe, que ça soit une sécheresse, que ça soit un débordement de rivière, que ça soit de la grêle, qu'on peut directement sonner le tollé sur le dioxyde de carbone. Oui. Maintenant, en passant de ces remarques d'une nature très générale à quelque chose de plus spécifique, oui, le jet stream joue un rôle important dans les précipitations locales et régionales. Donc, d'abord, c'est clair que le jet stream, en dépit du fait que il n'est pas facilement localisable sur des cartes, etc., vu le fait que c'est vraiment une rivière atmosphérique assez étroite, de l'ordre de dizaines, voire peut-être 100-200 kilomètres, qui fait beaucoup par rapport aux 10 kilomètres au-dessus de nous qu'elle se trouve. Donc, on sait beaucoup de choses là-dessus et sur sa variabilité naturelle, aussi bien que sur les effets, disons, qui sont d'une nature plus générale. Pour être un tout petit peu plus précis, la chose la plus facile à observer, c'est simplement qu'il y a un déplacement méridional de ce jet d'une saison à l'autre. Dans chaque hémisphère, donc il y en a un jet comme ça dans l'hémisphère sud aussi bien que dans l'hémisphère nord, mais quand l'hémisphère nord est beaucoup plus peuplé, a beaucoup plus d'instruments, on en sait plus sur l'hémisphère nord, eh bien c'est clair que pendant l'hiver, ce jet se déplace vers l'équateur. Je vais vous interrompre. On va prendre les choses un peu dans l'ordre pour savoir bien de quoi il est question et on va réexpliquer un peu d'abord à nos auditrices et à nos auditeurs ce qu'est ce James Reed et on va le faire dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc du jet stream en compagnie de Gwendal Rivière et de Michael Gill. Alors, précisément, Gwendal Rivière, expliquez-nous ce que c'est que ce jet stream, ce courant, donc qu'on évoque et dont on cherche à déterminer s'il a ou non des conséquences directes sur ce type d'événement climatique que nous définissions à l'instant. Alors, le jet stream, c'est un courant G qui se situe à 10 km au-dessus de nos têtes. Et il y en a dans les deux hémisphères, et comme Michael Gill vient de le dire, ça se déplace d'un point de vue latitudinal en fonction des saisons. Et il faut savoir qu'il y en a de deux types. Il y a le jet subtropical, qui est associé à la cellule de Hadley, à une dynamique liée aux tropiques, à la convection tropicale et aux subsidences dans les mouvements descendants dans les subtropiques. Et puis, il y a un deuxième type de jet stream aussi, un deuxième type de processus qui crée ces vents d'ouest. Ce sont les interactions avec les perturbations, et on appelle ça en anglais eddy driven jet, qui est le jet stream associé, piloté par les perturbations atmosphériques. Donc, il y a deux processus qui engendrent ces jet streams, et ils sont tous les deux, même si c'est deux processus distincts, ils sont tous les deux associés au fait que le pôle reçoit moins d'énergie que l'équateur. L'équateur est toujours plus chaud que les pôles. Et donc, c'est ce contraste thermique entre équateur et pôle qui engendre ces jet streams. Alors, on va parler principalement tout au long de cette heure du jet stream polaire. On peut rappeler aussi, Michael Gill, que ce jet stream, c'est la raison qui explique, par exemple, quand on prend l'avion et qu'on fait un vol transatlantique, qu'on met plus de temps pour aller de Paris à New York que de New York à Paris. Est-ce que vous pouvez compléter pour votre part un peu la définition que vient de donner Gwendal Rivière? Évidemment, le jet stream a été découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale par des pilotes américains qui allaient bombarder le Japon et qui se sont trouvés au milieu du jet en dépit de sa minceur dont je parlais précédemment. Et se sont vus ralentis pratiquement au point de ne plus bouger par rapport à la surface. Donc, il faut essayer de ne pas se mettre vraiment dedans. Ce jet stream, Gwendal Rivière, il est très important parce que c'est ce courant-là. Alors, on va vous mettre sur le fil Twitter une carte des différents courants atmosphériques. On avait consacré une émission entière. On va pas rentrer ici dans le détail pour se concentrer vraiment sur le jet stream à proprement parler. Mais c'est les variations du jet stream qui vont aussi influencer immédiatement la météo et les différentes météos saisonnales et annuelles. Oui, en effet, le jet stream, c'est pas un jet tout droit, loin de là. Si vous gardez des cartes de vent à ces altitudes de 10 km, vous verrez des courants très forts, mais d'un jour à l'autre, ces courants ne sont pas localisés aux mêmes endroits. Donc, en effet, il y a une forte variabilité. Et on parle des méandres du jet stream, et en effet, les méandres du jet stream sont à l'origine d'événements météorologiques à la surface. Que ça soit quand on a un méandre qui va plutôt de manière anticyclonique, donc qui part très vite vers le nord, ça peut être associé à une situation de blocage et donc à une situation en été de vague de chaleur ou en hiver avoir plus une vague de froid extrême ou pas. Hein, mais des déplacements du jet stream déterminent la météo du jour au niveau de la surface. Et donc il y a des variabilités latitudinales du jet stream qui permet de savoir à peu près où va se situer les dépressions et les perturbations qui sont guidées par le jet stream et où vont passer donc toutes les précipitations et où vont se dérouler aussi les vagues de chaleur ou les vagues de froid qu'on peut avoir. C'est ce jet stream qui, pour parler de la météo que nous connaissons dans notre environnement proche, qui détermine ou qui sont déterminés par l'anticyclone des Açores d'une part et la dépression d'Islande de l'autre. Alors là, il y a un lien étroit en météorologie, un équilibre qui se fait entre les forces de pression et les forces de Coriolis, qui fait que quand vous avez des variations de pression, elles sont associées à des variations de jet stream. Donc là, ce que vous citez, c'est ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, voilà, qui est une oscillation, en effet, du jet stream. Alors au départ, ça n'a pas été découvert comme une oscillation du jet stream. C'était au début du XXe siècle. Ça a été découvert parce qu'on a vu qu'il y avait une variabilité entre une anticorrelation entre les pressions en Islande et les pressions aux Açores, où quand vous avez des plus fortes pressions que d'habitude en Islande, vous avez des plus basses pressions que d'habitude aux Açores et vice versa. Mmh. Et donc cette variabilité, elle a été détectée comme ça avec des stations météorologiques sur ces zones-là. Mais depuis, on s'est aperçu que finalement, c'est la dynamique du jet stream et les interactions avec les perturbations qui engendrent ces différences, cette variabilité en pression. Et donc, on le voit maintenant, l'oscillation nord-atlantique, comme une variation latitudinale du jet. C'est-à-dire que vous avez une situation typiquement, quand on dit une situation de phase positive de l'oscillation, c'est quand le jet est au-dessus des îles britanniques, se termine au niveau des îles britanniques, et toutes les tempêtes, elles passent dans ces zones-là. Et puis, une situation inverse, c'est quand le jet stream est beaucoup plus bas en latitude, et que vous avez des dépressions qui gagnent l'Espagne et la Méditerranée, et voilà. Donc, il y a cette oscillation nord-atlantique, même si elle n'a pas été découverte via les jet streams, c'est maintenant vu comme une variabilité intrinsèque au jet stream et l'interaction avec les perturbations atmosphériques. Et ce type de variabilité, on en retrouve ailleurs, et c'est celle qui peut déterminer aussi des pans importants du climat, notamment je pense au continent nord-américain. Michael Gill, ce qui est important, c'est de comprendre que évidemment il s'agit là d'une dynamique, que ce jet stream il est évidemment mouvant. Comment est-ce que on sait et comment est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'évolution qu'a pu avoir ce courant atmosphérique à l'échelle géologique, c'est-à-dire de l'histoire de la Terre, puisqu'il n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, nous avons des données instrumentales de pression, température, vitesse des vents à peu près depuis la moitié du 19e siècle. Et au-delà de ça, il faut se baser sur ce qui s'appelle des enregistrements paléoclimatiques qui sont indirects. En bon anglais, on parle de proxy records. Des choses comme le taux d'isotopes d'oxygène ou d'autres trucs dans les sédiments marins ou dans les carottes de glace, etc. Donc, comme tout est lié dans l'atmosphère, comme l'a dit déjà Gwendal, il y a les températures, il y a les précipitations, il y a les vents. On sait plus ou moins pour plusieurs milliers d'années pour lesquelles on a une facilité de datation assez exacte d'une année à l'autre pour les carottes glaciaires du Groenland. quel a été le taux d'accumulation de la glace, donc essentiellement l'activité du cycle hydrologique. On sait à partir des sédiments marins où était ce qui s'appelle aussi le fond dans l'océan lui-même, dans les eaux de l'océan Atlantique. Et donc, on sait qu'il y a eu des fluctuations plus ou moins régulières de ces données sur des milliers d'années. Et que de l'autre côté, ces fluctuations pouvaient être aussi rapides que de quelques décennies. Gwenaëlle Rivière, ce qui est intéressant, c'est que l'étude de ces données paléoclimatiques nous indique aussi quelque chose de très important, qui est que le jet stream est intrinsèquement lié à la variabilité naturelle intrinsèque du climat. Oui, il intervient cette oscillation, je parle de cet exemple, l'oscillation nord-atlantique, donc qui est une fluctuation, une variation du jet stream sur l'Atlantique Nord. On sait qu'il a varié sur des échelles de plusieurs siècles. Il varie à l'échelle décennale, il varie à toutes les échelles jusqu'à l'échelle journalière. Donc c'est une variabilité qui existe à toutes les échelles de temps. Quand on parle de variabilité, c'est-à-dire qu'il se déplace, voilà, il s'épaissit. C'est ce que j'ai introduit tout à l'heure sur l'oscillation nord-atlantique. C'est un déplacement latitudinal. Évidemment, il ne faut pas imaginer que le jet stream vient vers nous à la surface. Même s'il a une structure verticale qui est importante et que les vents d'ouest qu'on a à la surface aux moyennes latitudes est étroitement lié au jet stream des moyennes latitudes, il ne faut pas imaginer que ce jet stream et son intensité peuvent atteindre la surface. C'est des variations latitudinales dont on parle et d'intensité. Bien sûr. On va continuer à parler de ce jet stream et on va comprendre aujourd'hui déjà comment on l'étudie. C'est pas une étude aisée, vous allez l'entendre, et puis on va essayer de comprendre si, comme cela a pu être annoncé, ce jet stream est évidemment en train de changer et d'entraîner avec lui des changements climatiques. Mais avant cela, on va retrouver, comme tous les mercredis à mi-parcours, la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Alice Portal. Bonjour Alice. Bonjour. Vous travaillez sur la variabilité extratropicale du climat, caractérisation longitudinale des interactions aux latitudes moyennes et élevées. Vous avez débuté votre thèse en novembre 2019 au laboratoire de météorologie dynamique. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ma thèse en quelques minutes. On se trouve donc dans l'hiver boréal, c'est-à-dire l'hiver de l'hémisphère nord de notre planète, et on se place dans les moyennes latitudes, donc plus ou moins au niveau de l'Europe et des États-Unis. Je vous parle d'abord de deux choses. On sait qu'en hiver, la surface de l'océan est plus chaude par respect à la surface des continents, en raison de leurs différentes capacités thermiques. En fait, les océans ont conservé une partie de la chaleur estivale, alors que les continents se sont refroidis rapidement. La deuxième, c'est qu'en hiver, toujours dans les moyennes latitudes, on trouve le fort vent dont on a parlé juste avant, le jet stream, qui est dirigé vers l'est et qui contourne l'Arctique en divisant les masses d'air polaire froid des celles chaudes dans les subtropiques et tropiques. Ces vents, on les appelle jet stream, et leur direction et vitesse dépendent dans une certaine mesure du contraste thermique entre les continents et les océans. On prévoit et on s'attend, avec le changement climatique, que les températures à la surface augmentent davantage sur les continents que sur les océans, en réduisant le fort contraste thermique entre les deux. Et ici se pose notre question scientifique. Quelles sont les conséquences d'une réduction du contraste thermique entre continent et océan pour l'atmosphère boréale? Par exemple, est-ce que les vents moyennes, donc le jet stream, et les tempêtes y associées, changent en conséquence de la réduction du contraste? Pour répondre à cette question, on joue avec un petit modèle numérique de l'atmosphère. Pourquoi petit? Parce que c'est beaucoup plus simple et avec une résolution plus faible par rapport au modèle utilisé pour les prévisions météo. Dans le monde idéalisé représenté par le modèle, on s'imagine dans un hiver perpétuel où la température des continents est bien plus élevée que maintenant. Lorsque les contrastes thermiques à la surface entre océans et continents sont affaiblis, on observe que les jet streams du modèle décélèrent et se déplacent vers le nord. Mais surtout, on discerne que l'écoulement atmosphérique, ou au moins ceux du modèle, est très sensible aux températures de certaines régions des continents. Notamment, les vents, donc le jet stream dans tout l'hémisphère nord change beaucoup avec le réchauffement de l'Asie orientale, alors que les températures dans l'Amérique du Nord ont moins d'impact sur l'atmosphère extratropicale. Dans cette région, en fait, le jet est beaucoup plus concerné par les montagnes rocheuses que par la température à la surface. Ce genre d'expérience numérique ne nous apprend pas des transformations réalistiques dans un climat futur. Néanmoins, ils sont très utiles pour étudier le rôle de certaines caractéristiques propres de notre planète. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Alice Portal. Une réaction à ces travaux, Gwendal Rivière? Ben, c'est un aspect nouveau du changement climatique qu'on regarde, on n'a pas assez regardé, c'est justement ces contrastes continent-océan et le fait que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Il y a d'autres aspects du changement climatique qu'on a regardé, mais cet aspect-là a été moins regardé, donc c'est important de le faire. Michael Gill. Ah, Michael Gill, est-ce qu'on a perdu Michael Gill? Vous êtes là? Je vous écoute. Oui, je vous demandais éventuellement une réflexion ou peut-être un commentaire sur les travaux qui viennent d'être présentés par Alice Portal. Mais écoutez, c'est très beau. Félicitations. Je ne peux m'empêcher de remarquer pourtant que, comme Gwendal l'a dit, le jet stream est très impliqué dans les alternances entre ce qu'on appelle un écoulement bloqué, un blocage, c'est-à-dire quand les vents d'ouest, justement, ne viennent pas directement de l'ouest, mais par exemple du nord-ouest, et un écoulement zonal, où l'écoulement est plutôt parallèle au cercle de latitude. Et donc, ce problème de l'écoulement bloqué versus zonal remonte à la thèse de Bernard Legras, publiée en 1985, à celle de Robert Votard avec Bernard Legras, je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais dans les années 80, de la thèse de Fabio D'Andrea avec Robert Votard, et ainsi de suite. Donc, je voulais simplement souligner que, vu la complexité du système, par rapport à d'autres problèmes dans les sciences physiques où on peut faire une simple manip de labo pour régler à jamais le problème des causes théoriques d'un phénomène, c'est pas aussi rapide dans les sciences du climat. Voilà. Un mot peut-être également là-dessus, Gwendal Rivière. On voit bien et on comprend à l'échelle du globe les implications extrêmement importantes sur les modifications au long cours, à moyen terme et à très court terme de ces courants atmosphériques et notamment de ce jet stream. Pour autant, on comprend que c'est aussi un sujet d'étude très complexe, qu'il est encore très difficile d'étudier pour en avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Et on vient de l'entendre dans les travaux d'Alice Portal, la modélisation informatique aujourd'hui, elle est importante, mais elle est aussi, les paramètres sont tellement nombreux qu'elle est très difficile à affiner. Oui, alors pour soutenir ce que vous venez de dire, c'est par exemple, il est très important quand on fait une prévision numérique du temps à quelques jours, avec les modèles les plus sophistiqués, d'avoir une information précise sur le jet stream. Alors on le sait où se trouve le jet stream à peu près. On a un certain nombre d'informations à la fois de stations météo et à la fois de satellites qui nous donnent une information sur le vent, mais on ne connaît pas ce qu'on appelle les gradients, donc c'est les variations du vent horizontalement, et comme le Michael Gill l'a dit tout à l'heure, ce sont des variations qui se font sur quelques centaines de kilomètres. Et donc ces gradients sont très importants, et les connaître à l'instant initial, quand on initialise le modèle pour faire notre prévision, va déterminer la qualité de la prévision. Donc il faut avoir une information très très fine sur les jet streams pour avoir une bonne prévision. On va continuer à parler du jet stream, on va revenir sur cette notion essentielle de blocage atmosphérique, et on va justement bien essayer de se demander si ce jet stream, ou si ces jet streams plutôt, sont en train de changer, et si ces modifications vont avoir des conséquences importantes ou non à l'échelle du climat terrestre. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. Hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Criminel de couper un solo de guitare de Jimi Hendrix, c'était The Wind Cries Mary à 16h35. Sur France Culture, nous parlons du vent, mais du vent supérieur, des grands courants atmosphériques et principalement du jet stream. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie de Gwendal Rivière, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'École Normale Supérieure, et Michael Gill, qui est professeur émérite à l'École Normale Supérieure et professeur de recherche à l'Université de Californie à Los Angeles. Le jet stream varie donc dans le temps, nous l'avons compris dans la première partie de cette émission, il peut diminuer en intensité et ralentir, ce qui a pour conséquence de créer des blocages atmosphériques et ce qu'on appelle des dômes de chaleur. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Pour comprendre ce phénomène, vous vous êtes rendu au LMD à l'ENS. Oui, alors ces dômes de chaleur sont liés à un anticyclone de blocage très puissant qui fait stagner les masses d'air au même endroit. Cette zone de haute pression favorise alors la descente de l'air qui, sous l'effet de la pression, réchauffe l'atmosphère. Et à mesure que la chaleur piégée se réchauffe, le système agit comme un couvercle, ce qui induit une vague de chaleur. Fabio D'Andrea, directeur adjoint au LMD, étudie ce mécanisme et ses liens avec le changement climatique dans la zone arctique. Alors, selon ses travaux, le lien de causalité n'est cependant pas évident. Alors, il faut savoir que le jet stream, qui fait une espèce de méandre vers le nord, une onde, on dit, et quand il fait un méandre vers le nord, il entoure une zone de haute pression, et vers le sud, il entoure une zone de basse pression. Alors, il y a des situations dans lesquelles ce grand méandre, en fait, il se détache carrément du jet stream, et il reste là, persistant, et on appelle ça un blocage atmosphérique. Alors, on a des modèles qui sont de plus en plus performants. Alors, par contre, pour ce qui regarde la capacité des modèles de climat de prévoir quelle est la probabilité qu'il y ait des canicules pour le futur et en quelle mesure ce soit dû au fait à une augmentation de ces situations de blocage ou les dômes de chaleur, alors là, on rentre dans des choses qui sont un peu plus incertaines. Ah oui, parce qu'en fait, il y avait un lien possible entre justement réchauffement global climatique et ces épisodes de persistance qui induisent des canicules localement. Oui, c'est ça. Dans les années 2010, plus ou moins, il y a eu une hypothèse physique qui a été formulée, selon laquelle le fait que le réchauffement climatique était particulièrement fort dans les régions polaires arctiques et moins fort dans les régions tropicales aurait provoqué une augmentation de la persistance de ces phénomènes climatiques. En fait, il faut savoir que le jet atmosphérique est créé justement par le contraste thermique entre les tropiques et les régions polaires. Donc plus celui-là est fort, plus le jet est fort. Mais ce contraste diminue, non ? Oui, ce contraste diminue du fait que le pôle augmente sa température. Et le jet pourrait être moins fort, et aussi, il semble, qu'il pourrait être plus instable, c'est-à-dire avoir plus des méandres plus grands, et des méandres plus persistants, plus longs, qui bougent plus lentement, et qui donc pourraient porter à des situations de blocage plus fréquentes. Donc cette hypothèse se base sur la connaissance de la dynamique des méandres, ce que j'appelle les méandres du jet, mais qu'on appelle en fait des ondes, et c'est des ondes, la dynamique des fluides. Et donc de ces ondes, on peut définir des vitesses de propagation, par exemple. Et ces vitesses de propagation, si elles sont lentes, nous disent que le phénomène méandre, ou blocage, ou onde, sera plus persistant. Et donc la conjecture qu'on a émise dans les années 2010, c'est que la diminution du gradient méridien de grande échelle porte à des ondes plus lentes. Mais après, on a commencé à regarder, donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une bonne hypothèse? Et donc, par exemple, on a commencé à regarder les données observées. Donc, on a regardé dans les derniers 40 ans, 50 ans, est-ce que, au fur et à mesure que l'Arctique se réchauffait, est-ce qu'effectivement le jet a diminué d'intensité? Oui, ça, c'était un travail que vous avez fait, un compteur de vitesse ou... Par exemple, on peut compter toutes les fois que le jet fait des ondes, mesurer leur vitesse de déplacement, et voir si dans le temps, cela a diminué. Et est-ce qu'elle a diminué en coïncidence avec cette amplification du réchauffement de l'Arctique? Et du coup, tester la conjecture. Par exemple, oui. Voilà. Et ça, c'est la vitesse moyenne des ondes sur tous les ans depuis 1980 à aujourd'hui. C'est un graphique. Alors, pour tous les ans depuis 40 ans, quelle était la vitesse moyenne des déplacements de ces méandres du jet en été et en hiver? Et donc, vous voyez, vous avez un point pour chacune de ces vitesses moyennes. Et donc, on voudrait voir si ces points vont plus vers le bas ou vers le haut, ou ils restent plus ou moins constantes. Alors, on oscille entre quelle valeur et quelle valeur, là? Ouais, on est dans le quelques mètres par seconde. On ne semble pas voir une augmentation de la persistance. Mais on pourrait faire autre chose, par exemple. On pourrait compter toutes les fois qu'on a eu des blocages dans le passé. Et on peut voir si la fréquence de blocage est augmentée ou diminuée. Et là aussi, on n'observe pas vraiment de grandes différences. Ce qui veut dire qu'en fait, cette amplification arctique, enfin, en tout cas la réduction de ce gradient, n'a pas d'impact. N'a pas eu cet impact qu'on lui attribuait. Mais on pourrait imaginer que le signal de cette diminution ou cette augmentation de persistance pourrait se manifester dans le futur. Et là, il est noyé dans une variabilité de ses persistances qui est très forte du fait de la variabilité naturelle du climat. Ah, on ne le verrait pas parce que la fenêtre est trop étroite. Est trop courte et parce que l'effet de l'amplification polaire ne s'est pas encore fait sentir, disons. Et donc, on a une manière d'essayer de répondre à la question « est-ce que ça va se voir dans le futur ?» et c'est le fait d'utiliser des modèles climatiques qui prévoient le climat futur. Okay? Et donc, on a aussi essayé de faire ça et le signal, il n'est pas très clair. Donc, on reste un peu dans une espèce d'incertitude. Il y a un grand débat, en fait, au sein de la communauté scientifique. Et on avance par conflit, par petite engueulade entre collègues. Quoi. On travaille beaucoup sur des modèles, beaucoup de numérique d'informatique. Ouais. Et pour autant, je vois que vous gribouillez un peu sur vos papiers. Sur le tableau, il y a des équations. Ouais. Donc, c'est toujours aussi un travail de réflexion à la main. Oui, en fait, c'est toujours un aller-retour entre les données observées, les gros modèles numériques et les modèles théoriques qui s'écrivent sur des équations au tableau. Les équations qu'on écrit au tableau sont toujours trop simplifiées pour représenter la réalité de manière réaliste, mais elles sont simplifiées d'une manière telle qui nous permet de comprendre le comportement des grands modèles numériques qui sont finalement aussi complexes que la nature elle-même. Voilà, ces blocages atmosphériques du jet stream ou courant jet, comme on le dit en français. Gwendal Rivière, vous avez vu sourire sur les petites engueulades entre collègues. Oui, bah, ce que discutait Fabio D'Andrea, c'est que il y a eu cette hypothèse qui a été émise il y a une dizaine d'années et que finalement on en revient et que l'influence de cette amplification polaire sur les méandres du jet stream, c'est quelque chose, il n'y a pas de consensus du tout. Donc. Michael Gill, comment est-ce qu'on explique justement cette absence de consensus? Est-ce que c'est une prudence qui est liée, encore une fois, comme on l'a entendu et comme on l'a expliqué, à la complexité du modèle? Est-ce que ça veut dire qu'il manque ce qu'on appelle communément un smoking gun, c'est-à-dire la fumée qui sort du pistolet pour désigner le coupable? Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Écoutez, il y a de tout ça. Il y a la complexité de ce phénomène, il y a les partis pris des chercheurs, il y a plein de choses. On est toujours très heureux quand les données coïncident avec nos idées théoriques, et moins heureux quand c'est pas le cas. Je suis. C'est très marrant. C'est un peu d'apprendre ces travaux très intéressants de Fabio sur France Culture. Écoutez, on sert aussi à ça. Il faudra qu'on se parle un peu entre nous. C'est pas comme si on savait pas qu'on était intéressés tous les deux par ce sujet. Je vous dis, ce que j'ai oublié de dire dans la séquence que je vous ai mentionnée, c'est avec les travaux sur le blocage, que la thèse de Bernard Legras était avec moi. Et donc... Je vois que maintenant, jusqu'à la cinquième génération, à l'e-sportal, on y est toujours. Ceci dit, plus précisément, voilà, c'est l'un des sujets vraiment. Disons que la météorologie dynamique des latitudes moyennes, elle est particulièrement difficile parce que il y a des changements très importants entre les hivers et les étés, parce qu'il y a une participation tout aussi importante des phénomènes thermiques, c'est-à-dire température et précipitation, que des phénomènes dynamiques, c'est-à-dire les vents. Vous avez ce jet qui ondule, qui a des méandres, qui se déplace, qui change d'intensité, qui fait cela d'une manière différente entre le Pacifique et l'Atlantique. Il y a ce qu'on appelle tout simplement la topographie. Vous avez entendu Alice qui parlait de l'effet des rocheuses. Donc là, il y a ce qu'on dit des fois de la topographie mécanique, mais aussi ce qu'on appelle des fois de la topographie thermique, le contraste mer-océan. Il y en a à boire et à manger. Gwendal Rivière, comment peut-on aujourd'hui, est-il possible de déterminer si ce courant se dérègle, s'il se dérègle plus que d'habitude, est-il possible de discerner les changements auxquels on assiste aujourd'hui des simples variations naturelles que l'on a pu constater justement via la paléoclimatologie que l'on évoquait tout à l'heure avec Michael Gill? Alors, pour un peu comprendre la complexité de la question, il faut se rendre compte de la chose suivante, c'est les courants G sont très dépendants des contrastes thermiques sur l'horizontale. Comme on l'a dit, les courants G existent parce que les pôles reçoivent moins d'énergie, moins de chaleur que les tropiques. Et donc, les changements du jet stream vont être influencés par des changements de contraste thermique sur l'horizontale. Et donc, les contrastes thermiques sur l'horizontale, Fabio D'Andrea en a mentionné un qui est important, qui est à la surface, c'est l'amplification polaire. On réchauffe plus fortement les pôles en ce moment que les régions plus basse latitude. Mais ça ne vaut que dans les premiers kilomètres de l'atmosphère. Au-dessus, plus près donc du jet, vous avez donc dans la haute troposphère, donc entre 5 et 10 km, vous allez avoir quelque chose qui va aller dans l'autre sens. Ce sont les tropiques qui se réchauffent plus vite que ou sont on anticipe un réchauffement plus important dans les tropiques que dans les pôles, et donc ça va réinverser le champ, l'anomalie de contraste thermique, et donc on appelle ça une compétition entre les deux. Une diminution des gradients thermiques proche de la surface, mais une augmentation des gradients thermiques proche de la tropopause vers 10 km d'altitude. Et ces deux effets ont des effets contradictoires sur la position du jet stream, l'évolution du jet stream. Et donc, ça dépend un peu de des modèles. Est-ce que certains modèles réchauffent plus l'Arctique et un peu moins la haute troposphère tropicale, et donc là ça va être plutôt l'effet d'aller les jet stream va plutôt se maintenir plus proche de l'équateur. Si c'est plutôt la haute troposphère qui gagne, et ben ce sera le jet stream qui partira plus vers les pôles. Michael Gill, ces modifications là quelles conséquences peuvent-elles avoir? Est-ce que la paléoclimatologie nous enseigne précisément ce que les évolutions naturelles du jet stream ont fait sur le climat, ou est-ce que là on est une nouvelle fois face à quelque chose de relativement inédit et qu'on peut difficilement anticiper? Eh bien, ce que nous dit la paléo, je me suis exprimé là-dessus un peu avant, c'est pas exactement comme de pouvoir avoir un thermomètre il y a 10 000 ans ou une sonde marine il y a 15 000 ans, etc. Mais ça nous donne quand même pas mal d'informations. Et justement, pour l'instant, selon un papier récent dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, disons que la variabilité naturelle intrinsèque du système climatique n'est pas encore tout à fait dépassée par changements du champ thermique dus au changement de la constitution chimique de l'atmosphère dû à l'humanité. Donc, c'est pas encore là, mais ça va venir, parce que on continue allègrement à faire des bêtises, quoi. Gwendal Rivière, sur cette question, sur la possibilité d'anticiper ce que ces variations, dans un sens ou dans l'autre, provoqueraient sur les climats de l'hémisphère nord, en l'occurrence. Oui, alors je peux dire un peu ce que les derniers résultats mentionnés, les derniers résultats des modèles et les consensus qu'on peut trouver en comparant tous les modèles et les dernières versions des projections futures. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fin du siècle présent, on devrait voir on anticipe. Un déplacement léger, on va pas dire fort déplacement, mais un déplacement léger vers les pôles, parce que c'est plutôt la partie haute troposphère tropicale, le réchauffement haute troposphère tropicale qui va dominer sur les faits. Et on le voit, alors ça dépend un peu des bassins océaniques. C'est vrai que sur l'Atlantique Nord, c'est un peu plus le déplacement vers le pôle est moins marqué. C'est plutôt une extension vers les îles britanniques et même au-delà, qui est une accélération du jet légèrement dans ces zones-là. Mais c'est vrai que c'est il y a pas mal d'incertitudes et en 10 ans on a changé un peu. On voyait il y a 10 ans on voyait un fort déplacement vers le pôle dans les projections climatiques. Là, on le voit un peu moins. Une étude de septembre 2021 sur des échantillons de calottes glaciaires prédit, a priori, cette migration vers le nord que vous évoquez du jet stream polaire dès les années 2060. Ah, je vous êtes oui, c'est précis, c'est des tendances. Oui. Mais ce déplacement vers le nord, concrètement, les conséquences vont être lesquelles? Les conséquences, c'est que vous avez, comme je vous l'ai dit, le jet stream, il y a une interaction mutuelle avec les perturbations atmosphériques, cyclones et anticyclones de l'atmosphère. Et donc, quand vous avez un jet stream qui se déplace vers le pôle, vous avez le rail des dépressions qui se déplace vers le pôle. Donc ça tout de suite vous anticipez légèrement plus de tempêtes ou plus de précipitations dans des régions légèrement plus vers les pôles. Voilà. C'est léger, c'est pas une énorme c'est pas ce qui est le plus marquant du changement climatique, ce déplacement vers le pôle. Il y a d'autres aspects notamment thermodynamiques liés aux extrêmes et aux précipitations qu'il faut mentionner. Bien entendu, c'est en premier. Non, voilà, ce qui est évident, c'est que tout cela fonctionne comme un système. On parle du jet stream, mais que ce système est imbriqué avec les autres courants atmosphériques et que tout cela donne ce fameux système extrêmement complexe, difficile à modéliser. Peut-être un dernier mot sur cette question avec vous, Michael Gill. On évoquait tout à l'heure les dômes de chaleur. Les dômes de chaleur, on en parle beaucoup. Il y a eu celui sur le Canada récemment. Celui sur l'Inde, est-ce que là, une fois de plus, on trouve des corrélations? Est-ce que ces dômes de chaleur et ces blocages atmosphériques sont amenés à se multiplier? Ou est-ce que, une fois de plus, il est difficile de pouvoir poser une forme de consensus scientifique sur ces questions? Écoutez, c'est pas très évident parce que donc Wendell il a parlé de l'importance ou non du déplacement moyen latitudinal, mais là nous parlons plutôt de phénomènes régionaux, c'est-à-dire d'une certaine intermittence dans l'espace et dans le temps, ce qui peut avoir une importance beaucoup plus grande pour une région donnée, par exemple pour le pourtour de la Méditerranée. C'est la fraction du temps que le jet, enfin, comme Gwendal a expliqué, la phase positive ou négative, comme on dit, de l'oscillation nord-atlantique correspond à, disons, un jet d'arrosage sur la Scandinavie ou sur la Méditerranée. Et donc, écoutez, si vous n'avez pas d'arrosage sur la Méditerranée pendant toute une saison, c'est assez grave. Et peut-être plus qu'un dôme de chaleur pendant une dizaine de jours sur une région quelconque. Donc, si vous voulez, la difficulté déjà est au niveau des déplacements moyens, mais pendant que beaucoup des chercheurs actifs pensent encore en des termes de moyenne et de réponse linéaire, etc., là, vous avez une structuration dans l'espace et dans le temps qui est plus fine et qui est encore plus difficile à cerner. Donc, la réponse, comme je vous dis, j'hésite pas à le dire, on ne sait pas. Oui, justement, et pour conclure peut-être là-dessus, Gwendal Rivière, effectivement, on entend bien la difficulté, la quantité de paramètres, la prudence aussi qui est celle des scientifiques qui se occupent et qui travaillent sur ce jet stream. Comment permettre d'affiner ces modèles? Comment permettre d'affiner cette connaissance et d'arriver finalement à des modèles et à des consensus peut-être un peu plus larges, un peu plus solides qu'ils ne sont aujourd'hui? Alors, il faut savoir que dans les modèles, il y a une partie qui est bien connue, qui est tout ce qui est la partie dynamique, avec les équations de Navier-Stokes, mais il y a une partie qui est la représentation des effets dits diabatiques, qui est tout ce qui effets radiatifs, de rayonnement, les effets d'interaction avec les nuages, la microphysique des nuages, comment se forment les nuages, le dégagement de chaleur latente qui est associé à la formation des nuages. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais en fait, quand vous avez la formation d'un nuage dans une zone d'un cyclone, en fait, juste au-dessus, vous avez une influence de cette formation du nuage sur le jet stream. Et donc, représenter ces processus de microphysique des nuages dans un maillage des modèles qui fait 10 km au mieux, c'est très compliqué. Et c'est là où il se trouve la nerf de la guerre pour améliorer les modèles. Et peut-être l'augmentation des puissances de calcul pour faire tourner des modèles de plus en plus complexes et de plus en plus fins. Et de plus en plus fins, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gwendal Rivière, merci Michael Gill, merci également à Alice Portal d'être venue nous parler de ce courant jet, de ce jet stream. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Guetzin-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Edouard Rubinstein à la technique. Et comme toujours, vous le savez désormais, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le tout nouveau et tout beau site France Culture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.